de DJ Rebel pour audiocité.net, Croblanc de Jack London, le chapitre 23, le domaine du Dieu. Non seulement Croblanc était capable par sa nature de s'adapter aux gens et aux choses, mais il raisonnait et comprenait la nécessité de cette adaptation. Ici, à Sierra Vista, c'était le nom du domaine du juge Scott, père de Windon Scott, il se sentit rapidement chez lui. Dick, après quelques bouderies et formalités, s'était résigné à accepter la présence du loup imposée par ses maîtres. Même, il n'aurait pas mieux demandé que de devenir son ami. Mais Croblanc ne se souciait pas d'aucune amitié de ses semblables. Il avait toujours vécu hors de son espèce et désirait y demeurer. Les avances de Dick n'eurent point de succès et il les repoussa. Le bon chien renonça à son idée et désormais ne prit plus garde à Croblanc que celui-ci ne prenait garde à lui. Il n'en fut pas de même avec Collie. Si elle tolérait Croblanc qui était sous la protection des dieux, elle ne pouvait se résigner à le laisser en paix. Trop de loups avaient ravagé les troupeaux et combattu contre ses ancêtres pour qu'elle le pût ainsi oublier. Prenant avantage de son sexe, elle ne perdait aucune occasion de le maltraiter de ses dents pointues. Croblanc tendait patiemment la fourrure protectrice de son épaule, puis reprenait sa marche calme et digne. Si elle mordait trop fort, il courait en cercle en détournant la tête, irrité mais impassible. Il finit par prendre l'habitude, quand il la voyait venir, de se lever et de s'en aller en lui cédant aussitôt la place. Dans sa vie nouvelle, Croblanc avait beaucoup à apprendre. Tout était ici beaucoup plus compliqué que sur la terre du Nord. De même que Castor Gris, le maître avait une famille qui partageait sa nourriture, son feu, ses couvertures et qui devait être respectée comme lui-même. Et elle était bien plus nombreuse que celle de l'Indien. Il y avait d'abord avec sa femme le juge Scott, père de Widon, puis les deux sœurs de celui-ci, Beth et Marie, puis sa femme Alice et encore ses enfants, Widon et Maud, un garçon de 4 ans et une fille de 6. Croblanc, sans pouvoir comprendre quel lien de parenté unissait au dieu d'amour tout ce monde, consentit à se laisser caresser par chacun. Il apprit aussi à jouer avec les enfants, qu'il voyait être particulièrement chers au maître, et oubliant en leur faveur toutes les méchancetés et toutes les tyrannies qu'il avait subies de la part des enfants indiens. Il supportait avec conscience toute leur folie, et s'il l'ennuyait trop, il s'écartait d'eux avec dignité. Il finit même par les aimer. Mais personne ne put jamais tirer de lui le moindre ronronnement. Le ronron était pour le maître seul. Quant aux domestiques, un traitement différent devait leur être appliqué. Croblanc les tolérait comme étant une propriété de son maître. Il cuisinait et lavait les plats et accomplissait diverses autres besognes, juste comme Matt faisait là-bas au Klondike. Il n'avait pas à se laisser caresser par eux et ne leur devait aucune affection. Le domaine du dieu, qui s'étendait hors de la maison, était vaste, mais non sans limite. Au-delà des dernières palissades qui l'entouraient, étaient les domaines particuliers d'autres dieux. Sur la terre du Nord, le seul animal domestique était le chien. Beaucoup d'autres animaux vivaient dans le wild, et ces animaux appartenaient de droit au chien lorsque ceux-ci pouvaient les maîtriser. Durant toute sa vie, Croblanc avait dévoré les choses vivantes qu'il rencontrait. Il n'entrait pas dans sa tête que sur la terre du Sud, il dut en être autrement. Vagabondant autour de la maison au lever du soleil, il tomba sur un poulet qui s'était échappé de la basse-cour. Il fut sur lui dans un instant. Le poulet poussa un piaulement effaré et fut dévoré. Nourri de bons grains, il était gras et tendre, et Croblanc se pourlécha les lèvres, décida qu'un tel plat était tout à fait délectable. Plus avant dans la journée, il eut la chance de rencontrer un autre poulet qui se promenait près de l'écurie. Un des palefreniers courut au secours de la volaille. Ignorant du danger qu'il courait, il prit pour toute arme un léger fouet de voiture. Au premier coup, Croblanc, qu'un gourdin aurait peut-être fait reculer, laissa le poulet pour l'homme. Tandis que le fouet le cinglait à nouveau, il sauta silencieusement à la gorge de l'homme qui tomba à la renverse en criant « Mon Dieu !» puis lâcha son fouet pour se couvrir la gorge avec ses bras. Les avant-bras saignants et lacérés jusqu'à l'os, il se releva et tenta de gagner l'écurie. L'opération eût été malaisée si Colline eût fait à son moment son entrée en scène. Elle s'élança, furibonde, sur Croblant. C'était bien elle qui avait raison. Les faits le prouvaient et justifiaient ses préventions, en dépit de l'erreur des dieux qui ne savaient pas. Le brigand du Wald continuait ses anciens méfaits. Le palefrenier s'était mis à l'abri et Croblant reculait devant les dents menaçantes de Colly. Il lui présenta son épaule, puis tenta de la lasser en courant en cercle. Mais Colly ne voulait pas renoncer à châtier le coupable. En sorte que Croblant, jetant au vent sa dignité, se décida à décamper à travers champs. Voilà qui lui apprendra Discotte à laisser tranquille les poulets, mais je lui donnerai moi-même une leçon la prochaine fois que je l'y prendrai. Deux nuits plus tard, l'occasion voulue se présenta, et plus magnifique que Scott ne l'avait prévu. Croblant avait observé de près la basse-cour et les habitudes des poulets. Lorsque la nuit fut venue et que tous les poulets furent juchés sur leur perchoir, il grimpa sur une pile de bois qui était voisine, d'où il gagna le toit du poulailler. De là, il se laissa glisser sur le sol et pénétra dans la place. Ce fut un carnage bien conditionné. Lorsque le matin, Scott sortit, 50 poules blanches de Leghorn, dont les cadavres n'avaient pas été dévorés, accueillirent son regard, soigneusement alignés par le palefrenier sur le perron de la maison. Le maître siffla, surpris et plein d'admiration pour ce chef-d'œuvre de destruction. Croblant accourut et le regarda dans les yeux, sans honte aucune. Loin d'avoir conscience de son crime, il marchait avec orgueil, comme s'il avait accompli une action méritoire et digne d'éloge. Scott se pinça les lèvres, navré de sévir, et parla durement. Il n'y avait que colère dans sa voix. Puis s'étant emparé de Croblant, il lui tint le nez sur les poulets assassinés et en même temps le gifla lourdement. Autrefois, lorsque Croblant était giflé par Castorry ou par Beauty Smith, il en éprouvait une souffrance physique. Maintenant, s'il arrivait qu'il le fût par le dieu d'amour, le coup, quoique plus léger, entrait plus profondément en lui. La moindre tape lui semblait plus dure à supporter que jadis, la pire bastonnade, car elle signifiait que le maître était mécontent. Jamais plus il ne courut après un poulet. Bien plus, Scott l'ayant conduit dans le poulailler même, au milieu des poulets survivants, Croblant, en voyant sous son nez la vivante nourriture, fut tout d'abord sur le point de céder à son instinct. Le maître effréna de la voix cette impulsion, et dès lors, Croblant respecta le domaine des poulets. Il ignora leur existence. Et comme le juge Scott semblait douter que cette conversion fût définitive, Croblant fut enfermé tout un après-midi dans le poulailler. Il ne se passa rien. Croblant se coucha et finit par s'endormir. S'étant réveillé, il alla boire dans l'auge un peu d'eau. Puis, ennuyé de se voir captif, il prit son élan, bondit sur le toit du poulailler et sauta dehors. Calmement, il vint se présenter à la famille qui l'observait du perron de la maison, et le juge Scott, le regardant en face, prononça plusieurs fois avec solennité « Croblant, tu vaux mieux que je ne pensais !» Croblant apprit pareillement qu'il ne devait pas toucher aux poulets appartenant aux autres dieux. Il y avait aussi des chats, des lapins et des dindons. Tout ceci devait être laissé en paix et en général toutes les choses vivantes. Même dans la solitude des prairies, une caille pouvait sans dommage lui voltiger devant le nez. Frémissant et tendu de désir, il maîtrisait son instinct et demeurait immobile parce que telle était la loi des dieux. Un jour, cependant, il vit Dick qui avait fait lever un lapin de garenne et qui le poursuivait. Le maître était présent et ne s'interposait pas. Il encourageait même Croblant à se joindre à Dick. Une nouvelle loi en résultait. Les lapins de garenne n'étaient pas tabous comme les animaux domestiques, ni les écureuils, ni les cailles, ni les perdrix. C'étaient des créatures du Wald sur lesquelles les dieux n'étendaient pas leur protection, comme ils faisaient sur les bêtes apprivoisées. Il était permis aux chiens d'en faire leur proie. Toutes ces lois étaient infiniment complexes. Leur observance exacte était souvent difficile et l'inextricable écheveau de la civilisation qui réfrénait constamment ses impulsions naturelles, bouleversait Gros Blanc. Trottant derrière la voiture, il suivait son maître à San José, qui était la ville la plus proche. Là se trouvaient des boutiques de boucher où la viande pendait sans défense. À cette viande, il était interdit de toucher. Beaucoup de gens s'arrêtaient en le voyant, l'examinaient avec curiosité et, ce qui était le pire, le caressaient. Tous ces périlleux contacts de mains inconnues, il devait les subir. Après quoi, les gens s'en allaient, comme satisfaits de leur propre audace. Sur les routes avoisinant Sierra Vista, certains petits garçons se faisaient parfois un jeu, quand il passait, de lui lancer des pierres. Il savait qu'il ne lui était pas permis de les poursuivre, mais l'idée de justice qui était en lui souffrait de cette contrainte. Un jour, le maître sauta hors de la voiture, son fouet en main, et administra une correction aux petits garçons qui, désormais, n'assaillirent plus Gros Blanc avec leurs cailloux. Gros Blanc en fut fort satisfait. Trois chiens qui, sur la route de San José, rôdaient toujours à ses carrefours autour des bars, avaient pris l'habitude de bondir sur lui dès qu'ils l'apercevaient. Ils supportaient cet assaut en se contentant de gronder pour les tenir à distance et les empêcher de mordre. Même si un coup de dent l'atteignait, il refusait de se battre. Une fois, les maîtres des chiens poussèrent ouvertement sur lui ces méchants animaux. Scott arrêta sa voiture. « Va! Va sur eux !» dit-il. Gros Blanc hésitait. Il regarda le maître, regarda les chiens, et il demanda des yeux s'il comprenait bien. Le maître fit un signe affirmatif avec sa tête. « Va sur eux, vieux » répéta-t-il. « Va sur eux, vieux compagnon, et mange-les !» Gros Blanc se rua sur ses ennemis qui firent face. Il y eut un grand brouhaha, des cris, des grondements, des claquements de dents, une bousculade de corps. Un nuage de poussière s'éleva de la route et cacha la bataille. Au bout de quelques minutes, deux gisaient, abattus, et le troisième était en fuite. Il traversa une mare, franchit une haie et gagna les champs. Gros Blanc le suivit de son allure de loup muette et rapide, le rejoignit et l'égorgea. Après cette triple exécution, il n'y eut plus de querelle avec aucun chien. Le bruit s'en répandit dans toute la région et les hommes défendirent à leurs chiens de molester Gros Blanc.